j'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Tout à fait, jusqu'à 23h, l'émission d'improvisation scénarisée, j'ai vu de la lumière. Alors je suis entré, est-ce que ça va toujours? Ouais. Est-ce que vous avez été manger des trucs de l'autre côté? Oui. Non, moi je suis allé garer mon taxi au garage. Ah d'accord, ça arrive. Ça prend un peu de temps. Moi j'ai la bouche remplie de Saint-Nectaire. Oh, c'est très heureux de le savoir. Le premier avantage de la radio, moi, c'est que les bien, odeurs voilà. ne se transmettent pas, hein, faut le savoir. Ça dépend pour qui. Ça, oui, ah oui, ça sent en effet, oui. Quoi? Par contre, que... j'entends. Hein. Voilà, on n'a pas le droit de manger ni de boire dans le studio, mais on a le droit d'avoir la bouche pleine et de mâcher. Oui. Les gens usent et abusent de cette règle en permanence. Non, pas du tout. Pas de quoi tu parles. Donc, la prochaine improvisation nous amène dans le monde des pirates. Oui. Ah, oui. L'improvisation s'appelle Pirate la marche. Parce que c'est un petit jeu de mots avec Rate la marche. La marche. Ouais. Comme quand tu rates une marche. Ah, Jean-Luc Reichmann doit être content. Ouais, ah bon? Oh, putain, oui. Non, il doit se retourner dans sa tombe qu'il a pas encore. Mais il est pas mort. Mais je sais que. C'est bien tenté. Par contre, je crois qu'Aznavour est mort, ça y est. Enfin. Ah bon? Ça a pris le temps, quand même. Oui, si, c'est vrai. Bref, donc, vous allez être un équipage de pirates sur un navire qui s'appelle le Goéland Ballonné. Ah oui, c'est la période. C'est la période des gastro. On est à fond dedans là. Ah oui, je pensais pas à ça. Ouais. Je pensais juste un goéland qui avait trop mangé. Un peu fête de Noël, tout ça. Ouais. Bon, c'est pour tout le monde Noël. Donc il va y avoir un capitaine. Le capitaine tombe chemise. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait des noms à la con. Pour une fois que je fais des noms, fous-moi la paix. Je voulais pas t'embêter. Qui veut faire le capitaine tombe chemise? Ou la capitaine tombe chemise? Bon, Aurélien a été désigné. Tu es le capitaine tombe chemise. Il va y avoir le bras gauche du capitaine tombe chemise. Pas le bras droit parce que le bras gauche il a perdu. Il est là. Moi je veux bien. Ouais, ok. Donc Laura, tu fais le bras gauche. Il va y avoir le jeune mousse qu'on appelle le mulet. C'est son surnom. J'ai la coupe moi. Je veux bien. T'as la coupe mulet. Ah non, tu l'as. Ok, Théo le mulet. Et toi, je vais te donner des. Excuse-moi. Mathieu, oh là là. Ça va... Ouais. J'ai donné des rôles secondaires dans l'histoire. Parfait. Comme ça, je serai primé aux Oscars pour un rôle secondaire. Oui, c'est ça. Ça me va très bien. Celui-ci est déjà... Contre, on va pas bredouiller à la maison. Donc, le goéland ballonné est sur les flots. Et il est en mer. Par contre, l'équipage est très pauvre. Parce qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac avec des matériaux de contrebande. Ah. Donc, l'équipage décide de faire escale sur l'île du Pinson. Où le capitaine a enterré son trésor, son magot. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour l'instant? J'ai tout oublié fait mon nom. Thierry. Tu es. Tombe chemise. Capitaine, tombe chemise. L'île du Pinson. Sponsorisé par Zebda. Ouais, c'est ça. De quoi? Ça... Le bras gauche, c'est quoi? Le bras gauche? C'est le bras gauche. Le bras gauche. C'est déjà suffisamment. Tombe chemise, ça parlera aux gens qui ont grandi dans les années 80. Tombe là. C'est à ça que j'ai pensé. Donc, pas tous. Et petit truc à part, je vais essayer de faire la vigie en parlant de loin. Alors, je fais un petit test vigie. Terre en vue, capitaine! Ça marche! Très bien. C'est extraordinaire! C'est formidable! Je m'en doutais. Donc, du coup, on va se retrouver sur l'équipage du goéland ballonné. Le capitaine va donner ses ordres et mettre le cap sur l'île du Pinson. Il est un peu con, le mousse, ou il est intelligent? Vous avez tous le droit d'être un peu con. Ouais. Moi, je pense que je vais surtout le traiter de con, tu vois. Tu peux traiter les gens de con, c'est ça qui est formidable avec l'improvisation. Tout faire avec les mousses, c'est ça qui est dommage. Sentez-vous libre de vos personnages et voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout à fait. Eh bien, formidable, c'est parti pour Pirate la Marche sur Indestar. Eh, Moussaillon! Nous voici une fois de plus sur ce bon vieux Rafio. Et cette fois-ci, nous allons reconquérir mon trésor! Chef! On est en mer! Mon trésor, c'est sur Terre. Passons. Alors, bras gauche, allez, tribord toute. C'est parti. Tu l'as choisi, en fait, comment, ce moussaillon? Parce qu'il a pas l'air... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oh, bah, tu connais les castings. Y a pas grand monde qui toque à la porte, alors on prend ce qu'il y a. Ouais, allez, c'est parti. Capitaine, j'ai le mal de mer. Vous auriez pas une bassine? T'as qu'à vomir par-dessus bord. Désolé de vous bassiner avec ça. Capitaine, capitaine, bateau en vue, à tribord. Ah, où est ma lunette? Tenez, monsieur. Ah, merci. Oui, oui, oui, oui. C'est un bateau anglais, capitaine. Oh oui, un beau pavillon anglais, et on va se le faire. Allez, j'aime quand vous dites ça, capitaine. Souquez les artibuses. Et un, deux. Capitaine, ça veut dire quoi, souquez les artibuses? Bon, écoute, va astiquer quelques canons, et puis ça suffira pour toi. Okay. Bras gauche, s'il te plaît, fais le reste du travail. Capitaine, de là où je suis, je vois le capitaine de l'autre bateau. Ah, il a un porte-voix, il veut nous parler. Ah, allez me chercher mon porte-voix. Je reviens. Moussaillon, va chercher ça, s'il te plaît. Oui. Tenez, capitaine. Je dis, que me voulez-vous? Pourquoi pointer ces canons sur mon bateau? Mais c'est qu'on l'entend très bien avec cette technologie, dis donc. Attendez, j'essaye. Nous voulons simplement... vous exterminer! Je dis, ce n'est pas très poli de vouloir m'exterminer avant l'heure du thé. Il faudra attendre 17h30. Le thé. Qui parle bras gauche? Qu'est-ce qu'il parle? C'est quoi le thé? C'est quoi le thé? Le thé. C'est une entourloupe? Non, c'est une lettre! Ah ouais? Mais pourquoi il voudrait une lettre? Je sais pas. Une lettre? Bah, donnez-lui une lettre! Une lettre manuscrite? Non, une lettre de l'alphabet! Et si on formait un thé avec nos corps? Ah ouais? Bah, je vous laisse le faire. Moi, hein. Ouais, je sais très bien faire la barre. Ok. Quoi? Un thé avec vos corps? Mais de quoi? Voilà. Je vous propose de reprendre l'abordage, les pirates. Okay. L'abordage! Les canons sont-ils prêts? Oui, chef. Eh bien, soit! Nous ne sommes plus qu'à quelques encablures! Ouh! L'adrénaline qui monte! Je dis, vous ne monterez pas dans mon bateau sans vous essuyer les pieds. C'est tout à fait inconvenant. Mon mousse vient de faire le ménage. Ah bah s'il vient de faire le ménage, c'est vrai que ça serait quand même inconvenant. Eh bien, s'il ne faut que cela pour monter dans son bateau... Eh bien, soit, nous nous essuierons les pieds. Je pour dis, monter. Non. Mettez des patins, s'il vous plaît. Vous savez ce qu'on dit à vos patins? Vas-y, charge. Comment? Alors, bras gauche. On dit quoi, alors, bras gauche, ne prends pas mon rôle, merci. Tu n'es que mon bras gauche. Eh bien... nous n'avons pas de patins à bord. Il y en a dans la barque. Nous avons un gros poulet, mais nous n'avons pas de patins. J'ai mis des patins à disposition dans le bateau. Ah, ils sont juste à gauche en entrant. S'il vous plaît, mettez des patins. Je ne voudrais pas que mon sol soit sale. Ah bah, ça bien. Va alors. Allez, bras gauche. Prends les patins. J'ai pas de bruitage de patins, je suis navré. Oh, c'est un peu bizarre aux pieds. Vous avez vu la déco? C'est très anglais, ça. Ouais, c'est moche. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Il arrive pam, le chef des autres. Ouais, pam, je crois. Pam, pam, faire quelque chose. Et il s'avère que donc le capitaine du bateau ennemi et anglais est très gentil et qu'il laisse avec beaucoup de politesse prendre tout le chargement du bateau. Donc l'équipage pirate se retrouve avec plein de thé à bord car il n'y avait que du thé au jasmin. C'est reparti. Bon, il nous a dit qu'il fallait boire ça avec de l'eau, c'est ça, de l'eau chaude. Au moins, on sait ce que c'est que du thé, du coup. Bon, tire-moi un seau de l'océan, là, on va tester. C'est pas conseillé, l'eau, non, de mer. Il va peut-être être terrible. Un petit peu salé. Ouais, c'est ça. Ben, il n'y a que l'eau de mer qui est bonne. Allez, hop. Ok. Au moins, on en dispose à outrance. Bon, allez, je me lance le premier. Vous allez mourir, monsieur. Ah, vous l'aviez dit? Le mec, c'est pas terrible. Oh, mais c'est qui s'est foutu de nous? C'était comment? Très mauvais. Bah voilà. Je peux goûter, dites. Je peux goûter. Vas-y donc, goûte. Glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou. Oh, il avale, dis donc. C'est pas mauvais, hein. Mais chef, on devait pas exterminer l'autre chef. Eh, il a été tellement gentil que... moi, il m'a bien amadoué. Bon, où en est-on de notre fichu trésor? Hé là-haut! Est-ce que tu vois enfin la Terre? Capitaine, Terre à l'horizon! Ah, je le sentais! C'est comme quand j'ai faim, je le sens, ça vient à les tripes! Ce qui est con, c'est que l'horizon, c'est loin. Capitaine, Terre, pas super loin! Il y en a pour 10 secondes à peu près, ouais. Ah oh, bah ça, on arrive. 10 secondes? Mais... oh! On a déjà touché le sol! Bah là, du coup, on est échoué. Je peux jeter l'encre, dis, je peux jeter l'encre. J'ai toujours rêvé de jeter l'encre. Ça ne sert plus à rien, ça ne sert plus à rien. C'est dommage, parce que moi, j'aime bien jeter l'encre. Bon, bah tiens, au lieu de jeter l'encre, tu vas te jeter toi-même. Ah ! Va voir s'il n'y a pas de l'ennemi ou des piranhas par là. Ah ! Plouf ! Au fait, tu t'appelles comment, Moussaillon ? C'est Antoine ! Ok, ça marche. Le trésor est donc enterré dans la jungle. Et pour aller récupérer ce qu'il y a dedans, il va falloir traverser la jungle. Et donc le capitaine va mener une expédition. Alors, je vous refais le dessin une dernière fois sur le sable. On part à gauche. Ensuite, on arrive sur le petit talus. Là, on dévie légèrement pour pas traverser le fond de la jungle parce que c'est un peu dangereux. Là, on marche à petits pas, on se met accroupi. Et puis ensuite, on rampe sur le sol dans la boue pendant une dizaine de mètres. Et après, on arrive enfin. Capitaine, vous avez vu, j'ai fait un beau pâté. On arrive enfin au ruisseau maudit. Et comment on traverse le ruisseau ? Allez. C'est quoi le bruit qu'on entend derrière ? C'est parti. Monsieur ? Oui. Ça, c'est le bruit des pas. C'est une rame ? L'équipage arrive à l'emplacement du trésor, mais constate que le trésor a été volé. Et l'équipe s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui observe dans l'ombre et qui s'enfuit. Qui s'enfuit très vite. Donc l'équipage va le suivre. Oui. Capitaine, il y a un truc là-bas. Ah. Vite, c'est quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un. Ou une araignée peut-être. Ah. Je déteste les araignées. Eh bien, suivons pour voir. Quand tout à coup, l'équipage arrive dans un campement d'indigènes. Les indigènes ont volé le trésor. Et ils vénèrent à présent le trésor et le prennent pour un genre de dieu. Donc il va falloir convaincre les indigènes, qui vont être joués par Mathieu, que le trésor appartient au capitaine. 1 000 000 000 tonnerres de Jacqueline McGrandmère. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Il était drôle son dernier voleur. Est-ce que l'un de vous deux a des compétences pour me traduire ? Alors moi j'ai fait anglais en première langue. Très bien. Si, le jeune Mousse t'a fait indigène première langue. Tu connais, sinon, tu traduis. Sinon tu serais jamais venu. Et indigène en deuxième langue justement. Alors là il dit qu'il est pas très très content et qu'il a volé le trésor et qu'il veut le garder et qu'on n'a rien à faire là. Et là il dit qu'il a envie de regarder la télévision parce qu'il y a les feux de l'amour. Eh bien tu lui dis que ce trésor est mon trésor et qu'il n'appartient qu'à moi. D'accord. Ce trésor ne sera jamais Il parle français, ton du coup. Trésor. Ah, il comprend. Mais c'est qui s'est foutu, nous ? Je le garde avec moi. Donc là, il dit qu'il le garde avec lui. Mais tu as été si lâche pour le prendre alors que je n'étais pas là. Veux-tu te mesurer à moi et à la force des dieux ? Veux-tu mourir ici, même ? Donc là, il veut te combattre. Comment ? J'aurai toute la force de Poséidon derrière moi. En garde ! Bagarre. J'enlève ma casquette. Chef, il a pas d'arme, hein. Vous pouvez y aller, je pense. Et une terrible bataille s'engage. Les deux camps fournissent des efforts formidables pour arriver à bout de l'autre. Et ce n'est pas très digne, mais l'équipage du capitaine a des épées et les autres n'ont rien. Donc, le capitaine gagne d'une victoire sanglante et sans gloire. La baston, la baston. Ah ouais. Le capitaine m'a tué. Vous m'avez pas fini, mais c'était presque. Ah bah c'était chouette. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé le côté extermination, c'était bien. J'ai tout filmé avec mon portable, on pourra se regarder ça après. Bon, au lieu de causer. Mais de quel portable ? Waouh ! Alors. on débrief, on fait quoi ? Compliqué de finir. Faudra m'expliquer les off, je n'ai rien compris. Un petit peu bizarre. Alors, sur la fin. C'était cool. Tarzan. Oui, Tarzan, oui. Oui, bah, ah, il était Tarzan. Il était où, Tarzan ? Ah, bien une réponse, mais ça va pas te convenir. Donc Mathieu a physiquement fait Tarzan dans le studio. Oui. Hein. Mais personne n'a compris apparemment. Mais non, ou alors personne n'a la référence, j'en sais rien. Je ne m'intéresse qu'à mon micro. C'est vachement bien. J'essaie de le lancer dessus, Ah non, j'avais pas. Ah non. T'en connais beaucoup des gars qui font aïe aïe aïe aïe aïe dans la vie. Bah à part Tarzan, j'en connais pas. Ouais. À part, il y a Tarzan, il y a Michel Sardou à un moment, mais c'est pas disponible. Dans une autre vie. Ah ok. Avant de passer à la prochaine improvisation qui a parlé d'espace, on écoute Magic versus Ava, Sweet but Rude. À tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Tout à fait, jusqu'à 23h, on est parti pour une nouvelle improvisation. On a mangé des tomates cerises pendant la pause. C'est pas de saison, c'est pas de saison. C'est pas bien, erreur c'est vrai. Monumentale, c'est pas de saison. Tout à fait, ouais. En même temps, il n'y a plus de saison. Oh, bah oui, ma bonne dame. Ça se sauve de tout, ça. Je m'inscris en faux. Ok, l'improvisation dans laquelle on va partir, et partir c'est le cas de le dire, parce qu'on va partir dans l'espace. Ah oui. L'improvisation est intitulée Renault Espace. Ah bah super, on reste dans la Twingo en fait. Non, pas dans la Twingo, je mets pas des Twingo partout. Passe à la catégorie au-dessus. La Twingo okay. Mais familiale quoi. Bah ouais, non mais ce jeu de mots, je suis content que vous rigoliez dessus parce que j'ai dû réfléchir au moins 10 secondes. Waouh. Bah ça s'entend. Ouais. J'en suis assez fier mine de rien. J'aime beaucoup. Donc je vais avoir deux personnages, deux astronautes. Qui veut faire les astronautes? Moi je vais faire Houston, se dit en passant. Oui. Et donc les astronautes pourront appeler Houston. Laissons le. Houston, Laura, ouais. Ah, Laura. Okay, Lostar, Laura, un astronaute. Et l'autre astronaute. Je sais pas, oui, si tu veux. Ouais. Oui, bah Théo, voilà. Ok. Astronome. Astronaute. Astronaute. Ouais. C'est pas la même quelqu'un chose, qui va dans l'espace. Ouais. Ouais, mais après il y a des embrouilles avec les taïkonautes, les baïkonautes, les. Oui, c'est selon si les pays. C'est russe, américain. On va pas se lancer là-dessus. Oui. C'est pour c'est ça. Ça finit toujours par note. Oui. Donc, wow, bien vu. Donc, Laura et Théo, vous êtes deux astronautes qui sont en mission pour aller sur Mars. Super. Sur Mars, vous êtes en mission pour aller découvrir des trucs. Ouais. On sait pas comment. On sait pas ce qu'il y a sur Mars. Ramener des échantillons. J'espère que vous allez ramener des trucs. Hein. Vachement important. Ils non sont mais contents, vous... tu leur ramènes de la Terre, ils sont contents. Pas de la Terre, de la Mars. Moi, en tant que narrateur, c'est pas grave si je donne les instructions. Ce serait du Mars de Mars. Tant que vous, en tant que personnage, vous le savez, c'est bon. Et on va y croire, en fait. Barre chocolatée. Ils font ça sur Mars. Et ça repart, allez. J'espère qu'au moins, ils ont pas d'emballage, parce que merde. Oh putain. Bon, on va commencer. Ouais. On peut faire la soirée comme ça. C'est clair. Mais quelle impro. Donc, au début de l'improvisation, les deux astronautes vont être sur leur lit en attendant le lancement de la fusée. Ça commence sur les chapeaux de roue. Hein. Et ils vont être en lien direct avec Houston. Ok. Whitney. Ouais, c'est ça. Désolé. C'est pas pire que Renault Espace. Hein, je m'excuse. Ok. Renault Espace, c'est parti sur Indestar. On est bien là, on n'est pas dérangé. Ouais, ça c'est clair, le calme. On n'est pas embêté par les voisins. Non, on n'en a pas, donc c'est plus simple. Ah, on nous parle, je crois. Par oui, contre, le téléphone, ça change pas. Est-ce que vous êtes prêt au lancement de la fusée? Bah, pas tout à fait, j'ai pas enfilé ma tenue, mais ouais, dans 5 minutes, on est prêt. Dans 5 minutes, d'accord. En attendant, on va faire la checklist peut-être. Ouais, c'est parti. Bah, Laura se remaquille. Hein. Alors, tableau de bord. Je me remaquille pas, chut. Tableau de bord, est-ce que c'est check? Tableau de bord, il est toujours là. Ouais, ouais, check. D'accord, c'est bon, les réacteurs. Ils sont là. Le train d'atterrissage. Je crois qu'on l'a, c'est bon. Ouais. Climatisation. Attends. Ouais, sur 19,5 degrés. D'accord. Recycleur de nourriture. Ouais. Ton dernier voyage, c'était en République... Dominicaine. Check. Dominicaine, c'est pas check. Check. Non. C'est République check. Check, c'est un jeu de mots, excuse-moi. Bon bah, tout est prêt au lancement, alors. Ok. On est prêt, on y va dans 5, 4, 3, 2... Préparez-vous. Ouais. Ah, ça fait bizarre, hein. C'est la première fois que je vais sur Mars. J'aime pas trop. Enfin, remarque, c'est con ce que je viens de dire parce que c'est la première fois que l'humanité vient sur Mars et c'est nous. Alors pardon, ouais. J'arrête, mais comment t'arrives à être aussi détendu, mec? Voilà. Tu te prends un peu des. Si tu veux, tu te prends un peu des jets dans la gueule quand même. Tout à fait, c'est le démarrage. Il y a des jets, donc tu ne peux pas parler. Souviens-toi, Tintin. Pardon, j'ai jamais fait ça. On va refaire. Souviens-toi, Tintin. Tintin, il s'évanouit quand même. Tintin. Ok. On va refaire ce démarrage, s'il te plaît, Théo. Ok. Voilà. Pour toi, on le fait. C'est parti. Laura, t'es prête, hein? Oui. Voilà. Ok. C'est Darty, mon kiki. Un peu plus à droite. Ah! Il a jamais vu Tintin. Non. Ouais, c'est Houston, le décollage s'est très bien passé, donc là vous avez votre trajectoire de base. Ouais. Donc je vais vous laisser, on va faire la fête avec les collègues parce que c'est réussi. Ah. La plupart avaient parié que vous allez vous écraser. Enfin, voilà. Ah, super. Sympa de l'apprendre après coup. Non, on aurait pas pu nous le dire. Ouais. Ok, il est parti. Bon. Ça va, t'es pas trop secoué ? Non, bah ça va, c'est une grande première. Hein, ouais, mais... t'étais un peu pâle quand même, hein, pendant le décollage. Non, oui, c'est surprenant. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui sort de derrière une armoire. Et ce quelqu'un, c'est monsieur, juste ici, qui va faire un plombier. Ah bah oui. Qui était venu à la base pour réparer la canalisation de la fusée. Normal. L'arrivée d'eau. Comment il est pas mort parce qu'il était pas attaché quand même? Oh, c'est la magie du... Okay. Non, pose pas de questions. C'est magique. Dans Tintin, il y a un gars qui voyage comme ça. Tout à fait. Tourne seul, je crois, c'est Wolf. Non, c'est tourné seul. Ouais, toujours pareil. Et donc du coup, le plombier se retrouve bien nu et il va demander ce qui se passe. Nu, parce qu'il ne comprend pas. Nu, le plombier, nu, ça... Non, de avoir. Bien eu, ouais. Ah oui. Déception. Oh, parce que là, j'imagine un autre scénario. Là. Et c'est reparti. Toi, t'as pas entendu un bruit, genre, derrière, là? Non. Bon, ça, ça doit être le spoiler. Hein? Ah non, c'est pas le spoiler. Vous faites quoi ici, monsieur? Je sais pas trop, c'est un peu bourlingué, là, et... Qu'est-ce qu'il raconte? J'étais à refaire la tuyauterie des chiottes de votre petite... Ah ouais, c'est vrai que je l'avais appelé avant de partir parce qu'on avait un problème d'évacuation. Et, mais je savais pas que vous étiez encore T'as là. T'as pas regardé qu'il était parti? Non. Ah bah vous inquiétez pas. Bah on est dans la merde là. C'est réglé hein. Non, normalement c'est réglé. C'est réglé, il y a plus de problème. Ah ouais, mais c'est pas le problème. Ça évacue. Là, pas de soucis. En fait, monsieur, on part sur Mars. Vous avez suivi la formation pour aller sur Mars? Vous faites une petite blague, petite joke. Là, non, pas vraiment, mais c'est pas grave, hein, on sera mieux à 3 que à 2. Hein. J'avoue que les effets spéciaux là, ils sont pas mal du tout, mais. Non, mais. Je peux te parler 5 minutes, s'il te plaît? Ouais, vas-y, parce que. Juste, on a juste de quoi manger pour 2, et c'est un voyage qui va durer longtemps. Donc ouais. Tu veux qu'on le nourrisse comment? Bah, on le nourrit pas, c'est un plombier. Ouais, super, faudrait peut-être l'avertir qu'il va peut-être mourir avant d'arriver sur Mars. Ouais, bon, en même temps, il part pas à grand chose, hein. C'est un plombier. Parce que nous, on est quand même. Je veux dire, on est. Je me demande comment t'as eu le concours, toi. Ah, alors non, en fait, c'est parce que mon père était déjà cosmonaute. C'est ce que je me disais. Ouais. C'est pour ça. Je vais retourner le voir. Hein. Vous appelez comment, monsieur? Ah, je m'appelle Ramzy. Vous avez de la famille? Ouais, un peu, quoi. Une femme, deux gosses, enfin, là. Une famille, quoi, voilà. Question bête, hein, mais vous les aimez? Ah bah c'est le problème de mes yeux hein, et si je bosse moins c'est pour eux quand même. Ouais. On pourrait peut-être le larguer là directement. Ouais je sais. Monsieur en fait on doit vous dire quelque chose et vous êtes... Bah vous êtes déjà en train de me parler là donc allez-y continuez, sais, là, pas de soucis va. Moi je suis... En tout cas moi je voudrais dire que c'est une très belle surprise. Après je sais pas si c'est pour mon anniversaire parce que c'est vrai que c'est dans 2 jours et tout mais... Mais alors oui donc c'est vous super parle cool. Sérieusement, écoutez-moi. Du coup, en fait, le voyage il est prévu pour 2. Ah. Et on est 3. Petit dilemme. Vous n'avez pas la formation, du coup, on ne peut pas vous laisser à bord de ce vaisseau. Par contre, est-ce que vous avez déjà fait du parachute? Ah non, mais si vous voulez que je descende, moi je descends. Après, si c'est pour une surprise on vous et vous tout, il n'y a pas si de soucis. Voulez... Figurez-vous qu'on a un très beau parachute qui n'a jamais servi. Et ça pourrait être une sorte de baptême non, de parachute. Mais, hein. Ça fait partie du simulateur aussi ou... Oui, enfin. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Oui, on a un parachute pour vous, mais sachez que c'est quand même très dangereux parce que cette attitude, bon, logiquement, vous devriez mourir avant d'arriver sur Terre. Mais on y croirait quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On y croirait, c'est trop génial là! Niveau de carburant bas. Déjà? Niveau de carburant bas. T'avais fait le plan? C'était pas moi de le faire, c'était à la station de le faire. Enfin, ah, ouais, est-ce qu'ils ont fait? Allô? Allô, c'est Houston là? Oui. Oui, on a un problème. Ouais, je me sens con parce que le plan. C'était à moi de le faire, en fait, et je devais aller chercher ma gamine à l'école. J'ai oublié. Voilà, on n'a rien à faire de votre gamine, on fait comment, nous, maintenant? Eh ben, non, mais juste vous tournez sur la sur l'est, la droite, ouais, à votre droite, à peu près. Ouais, la Russie, quoi. Il y a une station internationale, ils pourront vous dépanner du carburant. D'accord, et ils font du 98, parce que je mets que du 98, moi. Oh, je pense, oui. Et allez. On fait comment, nous, pour dévier, juste? Parce que c'est pas que... On est comme... Alors là, par contre, vous êtes astronaute, c'est votre boulot. Ouais. Voilà. Bah, ça va être un virage un peu compliqué, je pense. Oui, certes, faites... Bon, allez, je vais me noyer dans la d'alcool parce que j'ai du chagrin de vous avoir fait ça. Ouais. Par contre, moi, j'ai pas du tout appris à conduire ce genre de truc. Vous savez quoi, conduire mais... Vous avez le permis Le permis, bon, j'ai une petite Twingo, Renault, ouais. Quoi. Bah, c'est presque pareil, là, c'est un peu plus grand, mais... C'est quoi ton prénom, toi, déjà? Moi? Ouais, toi. Marcel. Attends, t'as pas... Ah, vous êtes trop comique. Et t'es le fils de qui? Et bah, le fils de Ney. Eh, moi, je suis le fils du Père Noël aussi. Allez, on y va, là. Donc, le plombier va prendre le volant parce que c'est lui qui sait le plus diriger une fusée, apparemment. C'est pas vraiment un volant, mais... Et l'équipage va rentrer en contact avec la station internationale et essayer de leur demander du carburant. C'est reparti. T'as le numéro de la station, par contre? C'est pas sur les pages jaunes. Mais t'as vraiment rien prévu. Oui, tiens, prends-le. Je vais aider notre plombier à conduire. Ouais, mais j'ai pas de réseau. Ah, je vais utiliser le téléphone de la station. Enfin, de... du vaisseau. Bonjour, vous êtes bien sur la station internationale. Nous allons prendre votre appel. Oui. Bonjour, vous êtes bien sur... Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça serait pour savoir si vous avez du carburant. Sur place ou à emporter? Alors, ça serait plutôt à emporter pour le coup. Parce qu'on va sur Mars et figurez-vous qu'on a oublié de prendre du carburant en partant. Donc ça serait pour nous dépanner tout simplement. On arriverait d'ici 5-10 minutes à peu près. Diesel, essence, GPL? On est plutôt essence. Essence, ouais. Bougez pas. Que diesel gate, tu t'es planté hein, parce qu'on va vraiment en plus exploser notre moteur, c'est super. Oui, allô. C'est diesel entier. Ah, c'est du non, diesel. Oui, allô, il y a quelqu'un? Allô. Oui. Oui. En fait, c'est plutôt du kérosène qu'on aurait besoin. Ah, ouais, kérosène, ne quittez pas. Oui. Oui, allô. Oui. Oui, il me reste 10 litres de kérosène, c'est tout. Ah, ça va faire peut-être un petit peu juste pour aller jusqu'à Mars, mais on est quand même preneur hein. Eh ben d'ici 5 minutes, ce sera livré à emporter avec un petit jouet. Ah, avec un petit jouet, c'est quoi? Un petit spationaute. Ah, c'est cool. On arrive. Il a dit quoi, du coup? Il a dit qu'il avait un petit jouet. Je te parle de plein de carburant, mais... Ah, il a dit qu'il avait pas beaucoup. Mais beaucoup, si on fait des économies, genre on beaucoup, coupe le moteur quand on est au stop. Pas beaucoup, genre quoi? 10 litres. T'es au courant qu'avec 10 litres, on fait même pas démarrer le truc? Je sais pas, je me rends pas compte. Allô, c'est Houston? Oui. Oui. Ouais, bon, on peut tout arrêter. Hein. La simulation, là, on peut l'arrêter. C'était nul. Je suis désolé, vous n'êtes pas qualifié du tout pour partir vraiment dans l'espace. Hein. Même pas. Allez. Moi. J'ai dû me coordonner deux personnes. Non, je ne savais pas conduire, madame. Mais si. Allez, rentrez à la base. Hop là. Désolé pour le Deus Ex Machina. Je sais que c'est une facilité, mais on était un peu en retard. C'est moche. Ouais. Cela dit, c'est comme dans Tintin. Et dans Tintin, il manque d'oxygène, pas de bouffe. Oui, c'est vrai. L'objectif au départ, c'était qu'on arrive sur Mars. Oui. Ah oui, ouais. On en était loin là pour le coup. C'est pas ma faute, c'est ma faute, tu t'es pas cassé. Et alors, qu'est-ce qu'il foutait là le plombier? J'ai pas bien compris. Il a réparé les chiottes, vraiment. Il était là pour réparer, ouais. Pour perturber. Les latrines, c'est quand même essentiel dans la vie de tout un chacun. D'ailleurs, je sais plus comment Thomas Pesquet a fait. Faudrait qu'on lui demande. On peut pas appeler Thomas Pesquet en direct? Mais je crois qu'ils ont eu des soucis de toilette d'ailleurs, il en parlait. Ouais, c'est un vrai problème. En vrai, j'ai beaucoup aimé cette impro, même si on n'est pas parti bien loin. Il y avait beaucoup de choses, what the fuck quand même. En attendant la suite, on écoute Toi de Kiba Shadé et à tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. 21h, 23h. Sur Indestar. Tout à fait, 21h, 23h et ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Déjà. Et ça passe vite, hein. Pas exactement parce que je suis arrivé en retard, parce qu'il y avait une déviation. Tout à fait. On s'en fout, hein. Ça va aller, théoriquement. La déviation est chiante, on est d'accord. Ouais, on s'en fout. C'est ma conclusion. Ouais, entre nous, là, on était en plein débat scientifique. Laura argumentait que c'était pas possible qu'une fusée fasse un virage. Ouais. Et on peut pas lui donner tort, vraiment. Comme le coup du volant ou du samplon 98, d'ailleurs, ou comme bien d'autres choses. C'est une diesel compétence de fusée, franchement. Et suite à quoi nous avons répondu? Sortons des sentiers battus. Ouais, c'est ça qui est formidable en impro, c'est qu'une fusée peut fonctionner à la piste, n'importe quoi. Pas vraiment chauffeur de taxi dans la vie, par exemple. C'est pour ça que le plombier il est venu en fait. Ah, peut-être. Et tu sais, il est pas vraiment plombier dans la vie. Le plombier, il a pas choisi d'être là, c'est un autre sujet. Ok, bah alors il nous reste trois improvisations, il nous reste un talk show pour la prochaine improvisation. Bon, d'ailleurs, tiens, je vais vous donner le choix maintenant. Vous allez être une équipe l'équipe d'un film. Vous allez tourner un film et vous allez devoir venir défendre ce film devant un talk show en fait, avec un animateur, tout ça. Okay. Donc le film en question. Alors j'ai prévu deux trucs. Il y a Les Doigts dans la colle. C'est une comédie pouet-pouet française rigolote. Je voyais pas ça, moi. Oh non, c'est dégueulasse. Oh non. Mais je suis plutôt film d'auteur, donc là. Et il y a La Revanche du désespoir, qui est un film d'auteur, justement. Ah, voilà, ah, voilà. Je ne te mens pas. La Revanche, bah, oui. La Revanche du désespoir. Yeah, yeah. Ou si vous voulez, bien sûr, créer vous-même un titre de film. Hein. Et bah, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 c'est trop. Non, je refuse ce titre-là. J'ai pas envie. Donc voilà, ce sera après la pause. Je vous laisse la pause pour réfléchir. Ouais. Et en attendant, on écoute Nina Attal, I've Been a Fool. J'ai vu de la lumière, 21h-23h. Sur Indestar. Ouais, ouais, ouais, 21h-23h. Et il est presque 23h, donc c'est la fin de l'émission. Eh ben oui. Voilà, voilà. Oh non, oh non. Top, c'est la fin, il est 23h. Ah bah, allez, vous. Salut. Non, bah merci à vous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Tu parles à qui? Parce que tu regardes dans le vide quand tu dis ça. Bah, je me dis qu'il parle aux auditeurs. Bah, alors, je ne vous vois personne ici, donc je vous parle à vous. Bah, on est très contents d'être venus, ouais, je pense. D'accord. C'était pas loin, mais merci pour votre invitation. Oh, tu me vois maintenant? Oh non. Merci, effectivement. Il est encore dans le sketch. On reviendra avec plaisir pour commenter un nouveau film. Ce sera avec plaisir. Ça sera la suite avec La Baleine. C'est ça, on a hâte. On a posé tellement de choses là qui attendent des suites. Tout à fait. Je pense que tout le monde est en haleine. Ça va être incroyable. En baleine. Je pense que tout le monde kiffe nos genoux. C'est là, on a gagné des auditeurs. Non, en vrai, c'est vrai que faire des improvisations plus longues, ça me tente un petit peu. Parce qu'il y en a pas mal que je coupe. Parce que bah, c'est vrai que j'en prévois 6 à chaque fois. Donc je me dis si je continue. Parce on qu'on n'était pas rendu sur Mars. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Est-ce qu'en même temps, est-ce que continuer celle de Mars, c'était la meilleure des idées du monde? Alors ça, c'est un autre débat. En vrai, ça aurait pu être bien, mais je sais pas si on aurait fait. Finalement, on n'est jamais allé sur Mars. Donc on ne peut pas le savoir. Il ouais, y a quelqu'un mystère. En revanche, le feuilleton, on pouvait faire une heure de plus. On était tranquille. Ah oui, ça complètement. Ouais, on était... bah, c'est mystère à Saint-Jacques. Ça. Dieu sait où ça nous aurait mené. Ouais. Dans les toilettes, j'imagine. Ouais, sans doute, ouais. C'est presque obligé que ça aurait fini aux toilettes. Dans une cuvette, précisément. Parce que... Alors, toi, peut-être, mais pas moi. Moi, je les fabrique, je finis pas dedans. Non, mais on ne parle pas de toi, on parle de Camille Strapontin, là. Hein. On est d'accord. Camille Strapontin, oui, tout à fait. Bah, je vous dis merci beaucoup à tous, c'était un plaisir de faire cette émission et puis bah, merci à vous qui nous écoutez. Le podcast est disponible, bien sûr, sur le site de Indestar. Et sur Spotify, sur Deezer et sur plein de plateformes de podcasts. Ah ouais, donc, carrément. La vôtre. Une vingtaine, carrément. En fait. Vous avez n'importe quelle application, voilà. Je dirais, sur votre smartphone, tablette. Et là, vous checkez et vous avez Indestar et tous les podcasts qui sont disponibles. Même sur les Nokia 3310, il y a Indestar. Alors, ouais, par contre, c'est en biton. D'accord. Bon, décoder, du coup. Ça, c'est la classe à Dallas, quand même. Franchement. Diffusion mondiale. Ah ouais, ouais. Ça se trouve, demain on va être contacté par un agent aux États-Unis, on va tourner dans le prochain Scorsese, on va rien comprendre. Il nous écoutait aussi au Wallis et jamais, Futunage. Ouais. Oui, bien sûr. À tous nos amis d'outre-mer. On chez eux, il est plutôt. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour la fin, Mathieu? Là, c'est une question piège parce que je suis pas du tout en improvisation. Non, j'ai rien à ajouter. C'était très bien, très sympathique, tout ça, tout ça. Bonne année, bonne santé. Oui, bonne année. Meilleur vœu, on est obligé. Hein. On n'est pas encore le 31, donc sinon, on est obligé de commencer procès, hein. Tous nos mails et nos courriers par bonne année. Donc, bonne année. Bonne année, bonne année. La Laura, santé surtout, hein. Bah, merci Clément encore pour cet accueil et puis cette radio. Et puis, bah, c'était super cool. Donc, quand tu veux. Donc, okay. Clément. C'est moi. C'est derrière le micro là, tu vois. Ah you. Oui. Putain, monsieur, tellement qui grand. Qui est ce type qui touche des boutons hein. Et non seulement il touche des boutons, mais ça fait des trucs des fois. Ça fait de la musique et des claques. Aurélien, un petit mot. Eh ben merci Clément, hein. Ça va beaucoup te flatter. Mais... Et oui. Eh bien, je vais dire que je vais essayer de pas me mettre à dos Clément, comme ça, bah, peut-être que j'aurai l'occasion de revenir. C'est voilà, malin voilà. Ça. Moi, ah foutu. D'accord. Mais je croyais que t'allais dire une critique négative et j'attendais du coup. Non, pas ce pas. Soir. Ce après, soir, on je te regarde dans le blanc des yeux et je vois que de l'amour. Oh, je t'aime, bébé. Oh là là. Théo, un petit mot pour finir. J'aime beaucoup cette émission. Alors les autres, pas du tout. Hein. Les autres émissions, pas du tout. Mais c'est réciproque. Les autres personnes, pas du tout. Le mec se fait harakiri en direct. C'est ça qu'il faut voir. Non, mais par contre, on parle d'autres émissions. Jeudi, il y a une spéciale Harry oui, Potter spéciale dans Harry les PK Avengers. Et vous avez un jeu sur la page Facebook si vous voulez gagner un joli cadeau. Il y a une question. Alors si vous êtes fan de l'univers Harry Potter, hein, vous avez sûrement la réponse à cette question. Donc vous pouvez nous écrire en MP et peut-être que vous serez l'heureux gagnant ou gagnante de ce joli cadeau. Donc faut pas hésiter à participer. Voilà. Et moi je peux jouer? Alors non. Ah merde. Non, en fait, c'est le problème quand t'es en radio, t'as des super cadeaux à offrir, mais tu peux pas jouer toi-même. C'est... Par contre, bah oui, non, il reste encore des sucettes du 21 décembre. Si t'es schizophrène, ça peut le faire. Hein. Ouais. C'est vrai ça. On a pas le droit c'est de faire participer, même la famille, on n'a pas le droit. C'est moche. Ok, bah merci à vous d'avoir fait l'émission. Merci à vous, spectateurs, d'avoir écouté l'émission. On se retrouve la semaine prochaine de 21h à 23h. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Des bisous. Salut. Bisous, bisous. Salut, salut. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.